tomber, des voitures passent encore. Je ne sais plus si j'habite ici, je suis perdu et je me sens heureux de vivre cette heure chaude. Je laisse filer le reste de ma lucidité. Je retrouverai la normalité. L'ennui de vivre comme un raté. L'histoire d'une soirée tient dans ce cendrier. Mégomélo descendra préfu, mais c'est décembre et j'ai chaud au ventre, la rose des quatre vents me protégera des autres et de mon isolement. Je retrouverai la normalité. Je retrouverai